Bonsoir chers auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de l'émission Forum Jeune. Au cours de l'émission de ce lundi, nous allons vous parler à propos de la contribution des jeunes dans la protection de l'environnement. Quelles contributions que peuvent apporter les jeunes pour protéger l'environnement aussi longtemps que la planète connaît un changement climatique sans précédent? Que faire surtout au Burundi pour pallier aux conséquences de ce changement climatique? Quel comportement faut-il adopter, surtout pour les jeunes, d'autant plus que certains phénomènes climatiques ne peuvent être arrêtés par l'action de l'homme? La réponse à ces questions, c'est dans cette émission qui sera animée par Alain Désiré Bukeneza. Séraphine Hakizimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Au studio, nous avons deux invités pour pouvoir mener un débat sur ce sujet de la contribution des jeunes pour la protection de l'environnement. Nous sommes avec Floribert Nkezimana de l'Association pour la protection de l'environnement et développement de la population APDP en sigle. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Forum Jeunes. Bonsoir. Nous sommes également avec Marius Ngendakuriyo, président de l'Organisation nationale contre les catastrophes et l'obscurantisme de la mentalité, ONACOM en sigle. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Forum Jeunes. Bonsoir, merci. La première question que l'on peut se poser est de savoir quelle est la situation actuelle de l'environnement au Burundi s'il s'agit d'aborder la contribution à apporter pour sa protection. Si du moins c'est cette situation qui vous a motivé pour pouvoir fonder vos différentes associations. Marius. Le premier problème qui existe d'abord... Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se produit, notamment lié à la destruction de l'environnement. On rencontre souvent des systèmes de dégradation du sol. On voit partout de déforestation où on rencontre des gens qui détruisent l'environnement, qui coupent des arbres sans toutefois les remplacer. Alors, cette pratique permet d'autres conséquences qui peuvent venir, notamment les conséquences liées au changement climatique. Il y a la famine qui découle de ce changement climatique. Vous voyez la situation actuelle. Ce qui se déplace suite à cette situation. Si l'environnement actuel au Burundi a été dégradé, et surtout, c'est lié au changement climatique. Quel est votre propos par rapport à ça, M. Floribert? L'environnement actuel, aujourd'hui, il y a une crise climatique au niveau mondial. Tout cela est intimement lié à la dégradation environnementale, avec des causes qu'on ne peut pas ignorer, sont des activités humaines ou bien des activités anthropiques. Parmi les activités menées par l'homme qui dégrade l'environnement, il y a la déforestation. La déforestation contribue en grande partie à la dégradation de l'environnement. Il y a le déboisement illicite qui entre dans le domaine de la déforestation. Il y a également la pollution de l'eau par quoi ? Par des activités industrielles ou bien par des activités agricoles, notamment par l'utilisation des engrais chimiques, etc. Il y a ensuite cette pollution de l'eau par les déchets ménagers. Hein. On pollue l'environnement sans le savoir suite aux activités que nous menons dans nos ménages. Donc, ça entre dans la dégradation de l'environnement. Je reste encore chez vous. Quel est alors, en effet, l'objectif que vous voulez atteindre en tant que jeune si vous vous investissez déjà pour la protection de l'environnement? L'objectif que nous voulons atteindre, on cherche à avoir un environnement sain avec nos efforts, nos forces, parce que c'est nous, l'avenir, qui ont encore des forces à travailler. Alors, quelles sont les activités à mener? Comment tout se fasse par les moyens? Mais on peut se faire avec les forces. Par quoi? Par le domaine de sensibilisation des autres jeunes. Dans le but de faire l'éducation environnementale de la base au sommet. Une autre chose, de faire le plaidoyer auprès des décideurs, soit par lobbying, ou bien autre chose, ou bien par des sketchs en milieu scolaire. Donc, si on sensibilise l'éducation environnementale depuis l'école primaire, même nos décideurs vont en tirer une leçon, même si c'est une question mondiale. Donc, ça va nous permettre d'inciter les décideurs que c'est une question alarmante, même si les conséquences sont visibles aujourd'hui. On peut le prendre à léger. Mais si on remarque que les jeunes sont incités à défendre l'environnement, ça va peser au niveau national. Merci. Marius, si vous vous investissez déjà dans votre association pour la protection de l'environnement, quel est l'objectif concrètement que vous voulez atteindre? Oui, merci. Notre objectif est de sensibiliser la population à changer la mentalité dans le domaine de protection de l'environnement. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est influencer les politiques, que ce soit nationales ou internationales, dans le but d'investir dans la protection de l'environnement. Puisque nous sommes victimes des politiques, soit extérieures, des industries, vous voyez souvent ou vous entendez souvent des industries qui produisent beaucoup et qui influencent le changement climatique. Vous voyez les usines qui fabriquent des voitures ou bien d'autres produits et qui peuvent polluer la nature. Alors c'est juste pour influencer les décideurs afin aussi de contribuer dans la protection de l'environnement et surtout pour faciliter les pays pauvres voire arriver au développement durable sans toutefois être freinés par ces industries, ces conséquences qui proviennent des industries. Autre chose, nous voulons aussi avoir un environnement sain pour que quand même il y ait une production durable. Parce que sans un environnement sain, la production est difficile. Quels sont alors les défis que vous avez déjà constatés, surtout pour l'environnement burundais, Monsieur Floribert? Les défis majeurs, il y a cette dégradation de l'environnement qui influe aux autres activités économiques du pays. Comme il y a une déforestation, il y a l'érosion du sol. Ce qui va entraîner la faim pour les populations. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a ce changement climatique. Le changement climatique est présent à la source également, à la dégradation de l'environnement, comme la pollution. La pollution de l'eau, la pollution à partir de l'agriculture et la pollution de l'air. Donc, ces industries qu'on construise font des émissions de gaz. Ils font des émissions de gaz. Il y a ce déboisement qui est là pour diminuer. Les arbres jouent un rôle majeur sur la réduction des émissions de gaz carbonique. Donc, un autre défi, il y a l'ignorance. Cette mentalité, déjà, donc, qui prennent à l'ignorance la protection de l'environnement. Par exemple, on pollue sans le savoir. Donc, ce qu'on va mener pour faire face à cela, il faut éradiquer les gens. Les sensibiliser. Donc, ça manque quoi? Ça manque une prise de conscience. Là, ça sera pour le cas de votre appel que vous allez lancer. Oui. Monsieur Marius, s'il s'agit de parler à propos des défis, quels défis avez-vous déjà vous constaté? Ce que nous avons constaté comme défi, nous avons vu ce qu'on appelle l'assèchement des sources. Je peux vous donner un exemple. Dans les années passées, on nous a dit qu'il y a eu la perte de 25% de l'eau suite à la déforestation de la Kibira, ce qui a provoqué quand même un manque d'eau dans un artificiel lac de Guegura, où beaucoup de personnes ont été des victimes de cette situation parce qu'il y a une carence d'électricité, manque d'électricité. Vous voyez que le centre Guegura alimente beaucoup de régions au niveau de l'électricité. Cette carence d'eau a causé beaucoup de problèmes puisqu'il y a eu problème de manque d'électricité. Ça, c'est un premier défi que nous on constate. Il y a aussi la pollution de l'air. Mon frère l'a dit, lorsqu'il y a une déforestation, on sait bien que les arbres absorbent d'énormes quantités de gaz toxiques et le CO2 et libèrent ainsi l'oxygène. Avec la déforestation, il y a plus de CO2, de gaz carbonique et moins d'oxygène. Raison pour laquelle il y a des maladies qui peuvent venir et qui peuvent attaquer beaucoup de personnes. C'est un problème, c'est un défi qu'on constate. Il y a aussi problème de sécheresse. Vous avez bien entendu les années passées en province de Kirundo où les gens ont quitté la province pour regagner le Rwanda et d'autres provinces. C'est un problème qui a marqué la population burundaise et plus principalement en province de Kirundo. Mais si vous relevez déjà des défis, vous avez déjà dit à propos de beaucoup de défis, quelle est concrètement votre contribution dans la protection de l'environnement si vous avez déjà parlé à propos de tous ces défis en tant que jeune et surtout par l'intermédiaire de vos associations? Quelle contribution que vous apportez déjà? Merci. Nous avons déjà commencé à contribuer en tant qu'organisation nationale contre les catastrophes et obscurantisme de la mentalité. Il y a des actions de reboisement de plus de 120 000 plants d'eucalyptus. Bon, pas encore quand même terminé à reboiser, mais beaucoup sont encore dans des pépinières. juste pour essayer de contribuer dans cette protection de l'environnement, parce que nous avons vu que le problème majeur réside sur la déforestation. Pour éradiquer ce problème, il faut reboiser beaucoup d'arbres. Et aussi, nous avons prévu aussi de reboiser avec des arbres fruitiers pour contribuer dans l'amélioration de l'alimentation, justement aussi. Ça peut contribuer dans l'amélioration de l'alimentation, mais aussi contribuer dans la protection de l'environnement pour essayer de faciliter une air fraîche. Et donc, notre organisation est en train de contribuer beaucoup à travers des jeunes, d'ailleurs, qui se trouvent dans les différentes provinces, dans cette protection de l'environnement. Qu'en est-il pour vous, Monsieur Floribert? Quelles contributions vous apportez déjà pour protéger l'environnement? Nos contributions ont commencé depuis longtemps, parce que notre association a vu le jour en 2004, mais a commencé ses activités en 2006. Donc à partir de cette période, on a commencé à mener des activités en rapport avec la protection de l'environnement. Et parmi les activités que nous avons menées, vous voyez, c'est les bassins versants. On a commencé à protéger les bassins versants de la Nahangwa. Vous voyez que ces montagnes qui se répondent de la ville de Bujumbura sont très menacées par l'érosion du sol. On a fait une couverture par des arbres. Ensuite, on a planté des arbres sur les rives de l'Antahangwa, depuis le pont, depuis Mugoboka jusqu'au pont du peuple Murundi. Dernièrement, on a fait planter des arbres en dessous du pont du peuple Murundi jusqu'au pont du 1er novembre. Et puis, nous menons de sensibilisation, surtout envers les jeunes. On a sensibilisé les jeunes affiliés au parti politique en 2012 sur d'exploiter le rôle de quoi Siri, donc la façon de protéger les ressources en eau, hein, dans le but de célébrer la journée nationale de l'eau du mars, le 21 mars. Encore, chaque année, nous menons des activités en rapport avec la protection de l'environnement, parce que nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Et donc, chaque activité menée par le ministère de l'Environnement nous est invitée dans le but de mener des activités en rapport avec l'environnement. Ensuite, donc c'est un trajet à long terme, nous continuons à sensibiliser. Donc, nous avons un projet parmi les plans d'action que nous avons. On va sensibiliser les enfants de l'école secondaire à rapport avec l'éducation environnementale pour que les jeunes prennent en main cette activité. Ça ne demande pas beaucoup, ça demande beaucoup de moyens, mais il y a des activités qu'on peut faire sans demander, qui ne demandent pas beaucoup de moyens, surtout il suffit de se donner. La radio de l'avenir. Pour ceux qui viennent de nous capter, je rappelle que nous sommes au cours de l'émission Forum Jeune à la radio Isanganiro. Forum Jeune, aujourd'hui, nous parlons à propos de la contribution des jeunes dans la protection de l'environnement. Deux invités sont avec nous au studio. Il s'agit de Floribert Kezimana de l'Association pour la protection de l'environnement et développement de la population APDP en sigle, ainsi qu'avec Mario Singendakurio, président de l'Organisation nationale contre les catastrophes et l'obscurantisme de la mentalité ONACOM en sigle. Si la planète continue de subir de changements climatiques sans précédent, quel comportement faut-il adopter en tant que jeune pour pouvoir éviter de lourdes conséquences, surtout que personne ne peut éviter ce changement? Nous avons vu le cas des pluies torrentielles qui emportent même des maisons et des plantations. Marius. Oui, nous avons remarqué ce problème. Il y a eu problème de maladies suite à des pluies torrentielles, des inondations. Aussi, les jeunes ont été victimes, on a vu cela. Mais j'ai constaté que quand même, même le fondement de notre organisation cette idée est venue suite à la situation de ce qui est de ce qui s'est passé au cours de l'année 2014. Et dans les quartiers nord, vous avez vu des inondations. Nous avons vu le rôle du jeune burundais, parce que ce sont eux qui ont intervenu dans les premiers moments juste pour essayer de sauver les vies, les jeunes. Nous aussi, nous envisageons sauver des vies. Donc, c'est pourquoi dans notre organisation, nous essayons quand même de travailler avec des jeunes, parce que les jeunes sont dynamiques. Si des problèmes viennent, donc les jeunes sont les premiers et ils ont une force de contribuer au niveau de pour sauver les vies des hommes. Autre chose, les jeunes vont contribuer beaucoup dans la sensibilisation. Ils sont dynamiques. Ils ne vont pas rester bouche bée, ils ne vont pas rester croiser les bras. Plutôt, ils vont continuer à sensibiliser pour éradiquer ces problèmes, pour essayer quand même, bon, c'est difficile d'éradiquer, mais pour contribuer justement à la diminution de ces conséquences liées au changement climatique. Aussi, les jeunes doivent se soucier qu'ils sont les premiers à être victimes, parce qu'ils sont des Burundais de demain. C'est pourquoi les jeunes, nous essayons quand même de travailler fortement, justement, pour éviter que le Burundi de demain ne soit pas effacé de la planète. Floribert, si déjà il y a beaucoup de catastrophes, s'il y a des phénomènes climatiques que nous ne pouvons pas arrêter, quel comportement faut-il adopter en tant que jeune, surtout? Aujourd'hui, on assiste à des catastrophes naturelles et qui sont inévitables, malgré il y en a parmi ces catastrophes, ce qui est à l'origine de nos activités qui nous menacent sur le sol. En tant que jeunes, ils font sensibiliser les autres jeunes les moyens de prévention. Il faut qu'il y ait les moyens de prévention. Deuxièmement, les moyens d'adaptation si ces catastrophes arrivent. Mais concrètement, comment lutter, s'il faut lutter, comment lutter contre ces catastrophes? Bon, donc on peut prévenir ces catastrophes. Il y a ce qu'on peut éviter, comme par exemple l'inondation. L'inondation. Par exemple, je vous donne l'exemple de ces catastrophes. Les inondations. La plaine de Limbo est très exposée aux inondations. On peut mener des activités qui réduisent ces catastrophes. Comme quoi? Il faut tout d'abord sensibiliser la population à créer des fosses de retenue d'eau sur ces fortes pentes. Donc vous allez comprendre que ça va diminuer la quantité d'eau qui court dans ces rivières. Ensuite, il faut faire tracer des courbes de niveau sur ces fortes pentes. Ensuite, il faut planter des herbes fixatrices ou bien des haies anti-érosives. Donc, et planter des arbres le long de ces rivières. Vous allez comprendre qu'il y a le blocage. Donc, une quantité d'eau qui va bloquer par ces coupes de niveau. Il y a une autre partie qui va stocker dans ces fosses de retenue qu'on a créées sur ces montagnes. Tout cela va se faire comme quoi, sans moi. Il faut tout d'abord sensibiliser les chefs locaux. Ce sont ces chefs locaux qui vont sensibiliser la population à leur tour. Pour qu'ils prennent, donc avec des mesures contraignantes. Quel est votre appel aux uns et aux autres pour effectivement procéder à la protection de l'environnement et surtout sur les actions concrètes qui s'imposent, tout en présentant exactement les remèdes à apporter aux défis que vous avez déjà relevés? Marius. Merci beaucoup. Notre appel, nous lançons d'abord un appel au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour la prévention ou la limitation de phénomènes susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Parce que le gouvernement a un volet de faciliter la mise en œuvre de ces mesures, l'application de ces mesures, je dirais. Aussi, j'appelle aux donateurs, aux bienfaiteurs, aux organismes internationaux ou nationaux de contribuer en donnant des moyens suffisants pour financer les projets qui ont l'objectif de contribuer dans la protection de l'environnement. Parce que souvent, nous nous heurtons sur le manque de moyens suffisants pour essayer de protéger cet environnement, de faire face à ce problématique. Aussi, nous interpellons les organisations comme organisations de la société civile aussi d'être ensemble avec les autres, non pas chercher à travailler individuellement, mais essayer de se mettre ensemble. Parce que l'environnement, c'est un phénomène qui peut porter atteinte à toute personne, qui peut causer des dégâts, mais pas individuels, mais même aussi collectifs. Si vous êtes attaqué, moi aussi je suis attaqué. Si tel est attaqué, l'autre est attaqué. Alors, c'est un combat qui doit être collectif pour essayer quand même de faire face à ce problème. Et aux jeunes, quel est votre appel? Notre appel, parce que les jeunes burundais, vraiment, disons plus particulièrement, on dit qu'ils sont oubliés. Et justement, parce que les jeunes, toujours, ils rencontrent des problèmes de chômage. Je vous ai dit quand même qu'il y a problème de moyens, manque de moyens. Les jeunes sont les plus touchés par ce manque de moyens, parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisants. Et ils ont quand même des capacités, aussi la force de lutter contre ces catastrophes. Mais quand même, le problème reste sur le manque de moyens. Alors, nous interpellons les jeunes, malgré ce manque de moyens, d'utiliser même les efforts qu'ils ont aussi pour essayer de travailler. Parce que c'est ça. En voyant comment notre étape est franchie, peut-être les autres verront quand même que nous devons avoir cette chose, ces moyens, ce manque, ce vide. C'est ce qui se manifeste même à notre organisation. Nous avons essayé de planter, d'organiser des pépinières, sur 20 000 plants, mais quand même, nous n'avons pas eu de moyens de financement, justement. Et alors, les jeunes, souvent, ils se découragent parce qu'ils manquent de moyens suffisants. Mais quand même, si les donateurs essaient quand même d'appuyer ces initiatives, ça sera mieux. Floribert, votre appel aux uns, aux autres, aux jeunes et surtout si cela s'impose au gouvernement. Mon appel à surtout, d'abord je fais appel aux décideurs qu'il faut appuyer les jeunes qui militent pour la défense de l'environnement et qu'il fait une priorité l'action environnementale. Parce que l'action environnementale, si on protège l'environnement, nous nous sommes en train de réaliser les actions qui entrent dans le domaine de développement durable. Parce que dans le développement durable, l'environnement occupe la première place. Aux jeunes, il faut que les jeunes se conjuguent ces efforts en allant en association pour mettre ces efforts en commun. Dans le but de sauver notre environnement. Parce que si nous continuons à travailler avec nos forces dispersées, donc on pourra ça sera très difficile d'atteindre notre objectif. Et c'est par ici que s'achève l'émission Forum Jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci surtout vous invités pour vos contributions. Mario Singendakurio, vous êtes président de l'organisation contre les catastrophes et l'obscurantisme de la mentalité ONACOM en sigle. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie de nous avoir invités. Floribert Nkezimana de l'Association pour la protection de l'environnement et développement de la population APDP en sigle. Merci également à vous pour votre contribution au cours de l'émission Forum Jeunes. Merci de passer à notre invitation. Merci également à Séraphine Hakizimana pour la collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Alain Désiré Boukeyeneza. À la prochaine.